Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. La magie avec la radio, c'est que les grands créateurs nous parlent. Des artistes qui, dans les années 20 déjà, produisaient des films, par exemple. Un cinéaste célébrissime, un film mythique qui passe et repasse sur les écrans, qui vit et revit, mais qui semble renaître, toujours. Rediffusion d'un mardi du cinéma proposé pour la première fois sur France Culture, le 18 décembre 1984, consacré à Métropolis. La Cinémathèque française m'a dit qu'on aime beaucoup Métropolis et que la dernière fois quand on a vu Métropolis, il était forcé de le donner et redonner et redonner. On m'a dit que le jeune Jean veut toujours voir mes films. Il y a quelques films desquels je peux parler, disons « Aime le maudit », qu'on voit presque toutes les années dans des grandes villes en Amérique, en Angleterre, ici aussi. Peut-être parce que quelques films ont l'air de documentaires, peut-être parce que, comme « Les Trois Lumières », ce sont des vérités pures que tous les gens aiment. Pour vous dire la vérité, moi, ou disons-nous, mon bon ami Bertolt Brecht, nous n'avons jamais appris qu'est-ce que veut dire vraiment l'expressionnisme. Je crois que c'est un phénomène social. Après la Première Guerre mondiale, on a essayé de faire des choses sociales. On a peut-être, je ne suis pas sûr, pas pensé à l'esthétique. Alors, moi, j'ai fait plusieurs films. J'étais jeune metteur en scène et j'ai fait des films aventuriers, comme ci, comme ça. Mais je crois que le premier film que j'ai fait et qu'on a aimé dans tout le monde, je le peux dire maintenant, c'était Les Trois Lumières. Quand on l'a vu en Allemagne, ce n'était pas grand succès. Alors on l'a vendu à la France, et en France, on a vraiment rêvé de ce film. Les critiques étaient extraordinaires, et quand le film était revenu en Allemagne ou à Berlin, alors on a dit oui, c'est un grand succès. J'étais naturellement très content. Métropolis, film de Fritz Lang, a été réalisé en 1926 et a contribué pour beaucoup, sans nul doute, à la célébrité du cinéaste allemand. Voici qu'il est repris aujourd'hui, en 1984, dans une version modernisée par les soins de Giorgio Moderer, qui a ajouté au film original de la couleur et de la musique rock. À cet essai de modernisation, qui reste contesté et contestable, au point que certains critiques parlent de détournement, on peut préférer la copie de travail obtenue à force de patience et de fidélité par le conservateur de la Cinémathèque de Munich, Enno Patalas, qui est parvenu à rassembler de nombreux éléments disparus du film et à offrir ainsi une version aussi proche que possible de l'œuvre originale. Mais par-delà l'intérêt évident de ces recherches et de ces développements techniques, on peut constater que plus d'un demi-siècle après sa réalisation, Métropolis continue de fasciner les spectateurs et de susciter des commentaires, des critiques, des interprétations qui, bien souvent, divergent et s'opposent. C'est la preuve, nous semble-t-il, ou en tout cas une indication sûre, que le film de Fritz Lang est porteur de significations durables, profondes, qui méritent notre attention et justifient les efforts d'analyse. Mais avant d'essayer d'entrer plus avant dans les implications de ce film, implications imaginaires, historiques, idéologiques ou autres, il serait utile de rappeler Noël Simsolo à grands traits de quoi il est question dans le film. Et je crois qu'il n'est pas difficile de le dire, compte tenu de la structure assez schématique, voire simpliste de l'œuvre de Fritz Lang. Oui, non seulement schématique et simpliste, mais on sait aussi que, c'est une petite parenthèse qu'il faut ajouter, c'est que quand le film est sorti, il a eu autant d'attaques et de problèmes qu'aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a des critiques allemands de l'époque qui disaient « Je dois admettre que la technique et les images sont très réussies, mais il faut que tout ait un contenu, un sens, le côté schématique gêné. » En effet, cette histoire d'une ville haute et d'une ville basse, dans la ville haute, il y avait le pouvoir de l'argent, les gens qui sont heureux, et dans la ville basse, ceux qui travaillent pour nourrir les autres. Bon, c'est un peu l'histoire du bateau dont parle Céline dans « Le jabot de la nuit ». Je veux dire, sur le pont, il y a ceux qui s'amusent, et en dessous, dans la soute, il y a ceux qui travaillent. Et que le monde de l'électricité a permis cette espèce d'épanouissement. Les pauvres sont complètement, disons, c'est le prolétariat qui est complètement tassé, il y a pas, entassé, je dirais même. Et arrive, bon, la découverte de l'amour chez le fils du maître de métropolis, Fredersen, et qui tombe amoureux de Maria, une jeune femme du prolétariat qui prêche l'évangile. Il n'y a pas d'autre mot que l'évangile. Alors, pour lutter contre cette femme qui prêche l'évangile, le patron de Métropolis, Fredersen, le père donc de ce jeune homme, va voir l'occultiste, le magicien Rodvang, et lui demande de créer un robot à l'image de cette femme pour que ce robot détourne complètement la situation et crée une sorte de subversion, de déstabilisation à l'intérieur de la cité, tant au niveau des ouvriers que, elle le fera d'ailleurs d'elle-même, au niveau de la classe dominante. Et arrive donc une espèce de combat du bien, du mal, de la lumière et de l'ombre, de l'obscurité et de la lumière, tous les éléments d'occultisme bien sûr, mais également tous les éléments que Lang adore, bon, le fait psychanalytique, on en parlera sans doute tout à l'heure, le souterrain par rapport à ce qui est au-dessus, et tout cela. Et le gamin, on peut appeler ça un gamin, parce qu'il est d'une naïveté totale, le fils Fredersen, essaiera de sauver son amour à tout prix, et essaiera également de créer une sorte de médiation entre le pouvoir dominant des patrons et les ouvriers. Et alors ça, c'est ce qui a peut-être le plus choqué à l'époque déjà les gens, c'est l'idée que le cœur peut être médiateur entre le cerveau et la main. Et ça, c'est une chose qui a beaucoup déplu à l'époque. Et ce que j'aimerais quand même, c'est citer, si vous le permettez, un extrait d'un texte que Louis Buñuel a écrit sur Métropolis et qui a justement un petit peu mis les choses au point sur la force du film. C'est qu'il écrivait dans la Gaceta Literaria de Madrid « Métropolis n'est pas un film unique ». Métropolis, ce sont deux films collés par le ventre, mais avec des nécessités spirituelles divergentes, d'un extrême antagonisme. Ceux qui considèrent le cinéma comme un discret conteur d'histoire éprouveront avec Métropolis une profonde déception. Ce qui nous est raconté est trivial, pédant, ampoulé, d'un romantisme suranné. Mais, si à l'anecdote nous préférons le fond plastico-photogénique du film, alors Métropolis comblera tous les vœux, nous émerveillera comme le plus merveilleux livre d'images que l'on puisse composer. Il est fait donc de deux éléments antinomiques, détenteurs du même signe dans les zones de notre sensibilité. Alors par rapport à ça, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au moment où le film était tourné, Lang avait accepté que Zlatan Dudov, un jeune débutant, assiste, disons, au tournage. Et Zlatan Dudov, qui était d'obédience marxiste complètement, a été extrêmement choqué par le sujet et par ses idées de médiation, et a quitté le plateau furieux, et par la suite, on sait que Dudov a fait des films marxistes avec Brecht, juste, disons, sur la fin de la République de Weimar et au début de la vie du nazisme, et qu'il y a eu beaucoup de problèmes à ce sujet-là. Donc, le problème politique, idéologique de Métropolis a existé toujours, existera encore. Le problème, maintenant, de ce que vous avez dit sur la modernité encore du film total, je pense que là on touche l'essentiel, c'est que c'est pourquoi Lang est un des plus grands cinéastes du monde, parce que tout passe par la représentation, et ce qui est dans le discours scénarique peut être complètement transformé et subverti, de même que la fausse Maria subvertit la situation, par le discours représentatif et par tous les signes que Lang y accumule. Il semble, à une première perception du film, que deux éléments s'opposent de manière vraiment radicale, le haut et le bas, le jour et la nuit. La lumière et les ténèbres. Le haut, la lumière, c'est la caste des possédants. C'est le patronat. C'est la haute finance. Ce sont les exploiteurs. Ce sont les dominants. Et en bas, enfoui dans les profondeurs de la terre, c'est de manière très visuelle représentée, il y a les exploités, les dominés, les travailleurs. On peut penser donc à première vue qu'il y a là une représentation aussi puissante que possible d'une lutte de classe, d'un antagonisme social. À ce moment-là intervient ce troisième élément, représenté à la fois par la jeune fille Maria et par le fils du patron Frédère, qui vont jouer un rôle de moyen terme. Et le terme utilisé est de fait le terme allemand de Mittler, le Mittler, c'est-à-dire le médiateur. Et c'est cette notion de médiation entre les dominants et les dominés qui va faire problème au niveau idéologique. Alors, selon qu'on insiste sur l'antagonisme très fort que Fritz Lang nous propose entre le haut et le bas, ou que l'on insiste au contraire sur ce facteur de médiation qui va jouer un rôle déterminant à la fin du film, lorsque le fils va relier le patron, son père, et le contremaître représentant les ouvriers, on donnera évidemment une interprétation différente. Commentant la leçon qui conclut Métropolis, Siegfried Krakauer écrit dans son livre « De Caligari à Hitler » « En fait, la proposition de Maria demandant que le cœur serve de médiateur entre la main et le cerveau aurait pu être formulée aussi bien par Goebbels. Lui aussi en appelait au cœur pour les objectifs de sa propagande totalitaire. Au congrès du parti à Nuremberg en 1934, il exaltait l'art de la propagande en ces termes. Puisse la flamme éclatante de notre enthousiasme ne jamais s'éteindre. Seule cette flamme apporte lumière et chaleur à l'art créateur de la propagande politique moderne. Surgissant des profondeurs du peuple, cet art doit toujours redescendre jusqu'à lui et y trouver sa force. Le pouvoir qui prend appui sur les fusils peut être une bonne chose, mais combien il est préférable et plus gratifiant de gagner le cœur d'un peuple et de le conserver. La composition plastique de la scène finale confirme l'analogie existant entre l'industriel du film et Goebbels. Si le cœur dans cette scène triomphait véritablement du pouvoir tyrannique, un tel triomphe se marquerait par le rejet du schème décoratif omniprésent dans le film et qui exprime la revendication de toute puissance de l'industriel. Un artiste comme Lang ne pouvait méconnaître l'antagonisme existant entre l'irruption des émotions humaines fondamentales et les formes ornementales utilisées. Et pourtant, il maintient ces formes jusqu'à l'extrême limite. Dans les toutes dernières images du film, on voit les travailleurs s'avancer en formant une sorte d'angle dans un mouvement d'une symétrie rigide dirigée vers l'industriel qui se tient à l'entrée de la cathédrale. Toute la composition indique que l'industriel ne reconnaît le cœur que dans le but de le manipuler, qu'il n'abandonne en rien son pouvoir, mais s'apprête au contraire à l'étendre en un domaine jusque-là préservé, celui de l'âme collective. La rébellion de Freder contribue à l'établissement d'une autorité totalitaire, et il considère cela comme une victoire. Les commentateurs de Métropolis ont toujours beaucoup insisté sur la séquence finale qui nous montre le couple idyllique, le fils, Freder, et la douce et tendre Maria, intervenant pour établir un accord entre, d'une part, le patron et, d'autre part, les ouvriers. Le cœur sert de médiateur entre le cerveau, encore une fois, c'est le patronat, et la main, c'est-à-dire les travailleurs, que l'on voit d'ailleurs s'avancer à partir du bas de l'écran vers la cathédrale. Et on a voulu y voir une idéologie quasiment pré-nazie. Qu'en pensez-vous, Gérard Legrand ? Je pense que c'est effectivement une idéologie pré-nazie dans la mesure où Théa von Arbou était membre du parti nazi. À la limite, à l'époque, beaucoup l'ont été qui s'en sont repentis ensuite. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ces déclarations visant à cette espèce de compromis entre le capital et le travail s'appuyaient explicitement sur cette notion du cœur, c'est-à-dire renvoyer à une sentimentalité, il faut bien dire spécifiquement germanique, sans laquelle jamais le nazisme n'aurait connu le succès qu'il a eu. On a évoqué à plusieurs reprises, notamment dans des films documentaires, l'approche que Hitler en personne s'est forcé d'avoir à l'égard des enfants et des femmes, limitée à certaines activités bien précises, mais qui participait d'une certaine tradition, encore une fois, de sentimentalité. Le mot il semble que la sentimentalité suffise à résoudre les conflits. Lang était d'ailleurs parfaitement conscient de ce problème, puisque ensuite il est revenu sur cette conclusion. Après avoir dit qu'il était d'accord avec elle à 50%, il a fini par la répudier complètement en disant qu'il avait eu tort de laisser passer cela, que les problèmes entre le capital et le travail étaient d'ordre essentiellement économique. Et quant au film, il ne faut pas oublier qu'il avait envisagé une autre fin, tout à fait différente. Le couple idyllique partait pour une autre planète. C'était l'amorce de la femme sur la Lune. Il est vrai qu'une bonne partie du cinéma nazi travaille sur la sentimentalité que vous évoquez, Gérard Legrand, sauf à faire une réserve sur ce que vous dites concernant le côté spécifiquement germanique de cette sentimentalité, car je crois qu'on pourrait lui trouver une dimension universelle. Certainement. En ce qui concerne le cinéma nazi, il est de fait que pour le peu que j'en connais, et qui se réfère en partie à des souvenirs, il faut bien dire, de mon adolescence, j'ai vu très peu de films allemands à l'époque, et seulement ceux, naturellement, qu'on acceptait de nous montrer. Mais il est de fait que lorsqu'il ne s'agissait pas des fameuses opérettes destinées à distraire le combattant, la tradition qui persistait était celle du mélodrame. Oui, par exemple, le cinéaste, le plus grand, le plus célèbre cinéaste allemand, Walter Lahn, auteur du Juif Zus, et par ailleurs l'auteur de Heimatfilms, ce qu'on appelle les films Heimat, c'est-à-dire les films du terroir, les films avec les jeunes paysannes, etc. Bon, et d'ailleurs le film qui en ce moment rencontre un grand succès, qui est le Heimat d'Edgar Wright, ce film de 16 heures, reprend le titre Heimat, mais au sens à nouveau positif, c'est-à-dire les valeurs de la terre, les valeurs de la paysannerie, etc. Bon, il le fait dans une optique naturellement qui n'a absolument rien de nazi, je m'empresse à le dire, mais c'est une constante de... Peut-être, vous avez raison de dire que la sentimentalité n'est pas spécifiquement allemande, loin de là, tout peuple à sa sentimentalité, mais il y a dans l'exaltation de la terre et de la tradition paysanne, etc. Bon, chez nous, on l'a vu à l'époque de Pétain. En Allemagne, c'est même une constante. Les films de cette période ont été écrits, on le sait, par Ter von Arbou, avec l'accord, la collaboration de Lang, mais très souvent, avant ou après, des romans feuilletons. Si j'ose dire, c'est par le biais de cet aspect feuilletonesque que tous les problèmes idéologiques, au lieu d'être posés avec une précision que Lang a quelquefois cherché par la suite, étaient dilués dans le fil des aventures. Si on voulait, on pourrait trouver un contenu idéologique aux autres feuilletons qu'ils ont écrits ensemble et que Lang a tourné. On vient de rééditer successivement Les Espions et Les Araignées, et même dans Les Araignées, qui se présentent en principe vraiment comme le roman d'aventure mondiale faisant le tour de la planète, si on veut, on peut trouver une idéologie. Seulement, il ne s'agit pas du tout d'une idéologie pré-nazie, il s'agit d'une espèce de rêverie idéologique qui peut aussi bien déboucher à la limite sur la démocratie que sur une dictature. C'est vrai que Lang a été tout de même tributaire du matériau qu'on lui donnait. Il est certain que le matériau sur un film, disons, qui est un peu une fable de science-fiction comme Metropolis, évidemment c'est un matériau daté, tellement daté d'ailleurs que même à l'époque, beaucoup de contemporains détestaient le film et ont critiqué violemment le film. C'est un film qui a été accueilli avec énormément de diversité d'opinions. Mais peut-être que le génie de Lang se trouve davantage dans ce que Gérard Legrand citait, c'est-à-dire le feuilleton, ou plus tard ces films américains où il traitait par d'histoire et à travers l'histoire l'idéologie, ou plutôt les idées plutôt, que l'idéologie apparaissait, plutôt qu'une œuvre comme Metropolis où l'idéologie est d'entrée de jeu donnée. C'est-à-dire que c'est un discours avec toute la naïveté de ce discours quand un grand écrivain ne l'a pas conçu, et en l'occurrence, Ter von Arbou n'était pas un grand écrivain. Wells déclarait « Le film est une synthèse de toutes les bêtises et de toutes les platitudes que nous connaissons, agrémentées d'une sauce sentimentale unique en son genre. » André Gide affirmait « Film allemand d'un mauvais goût parfait et colossalement stupide, a dû coûter prodigieusement cher à établir. On n'arrête pas d'y songer. » Même si l'on admet que ce discours vient un peu de l'extérieur de Lang, il n'en reste pas moins que le traitement de ce matériau que vous évoquez, le traitement cinématographique tel qu'il est effectué par Lang, c'est-à-dire la mise en forme cinématographique de tout ce discours, relève d'une forme de gigantisme dont on peut se demander s'il ne comporte pas une dimension justement de type fasciste, Gérard Legrand. Le gigantisme dans Métropolis, n'est-ce pas quelque chose qui a une signification ? Je n'en suis pas sûr. Que ça ait éveillé, par exemple chez les dirigeants nazis voyant le film, la vague sensation d'une perspective d'avenir géant, c'est fort possible. Mais enfin, ce gigantisme se retrouve à certains égards dans Leni Bellungen. Et quand on a critiqué Leni Bellungen au point de vue idéologique, on les a critiqués sur leur référence à la légende allemande beaucoup plus que sur le gigantisme et le hiératisme des apparences. Parce qu'à ce moment-là, n'importe quel film présentant des foules et une sorte de monumentalité autour d'elles risquerait de pouvoir passer pour fasciste ou pré-fasciste, ce qui serait quand même excessif. Or, il y a des foules importantes dans Métropolis. Oui, moi je pense pas que le gigantisme suffit à définir le film comme pré-fasciste. Parce que d'abord, le film est tributaire de deux grands films gigantesques qui sont le Cabiria de Pastrone dans le cinéma italien en 1912, je crois, et d'autre part l'intolérance de Griffith de 1915. D'ailleurs, le dieu Moloch dans Métropolis est directement inspiré du décor de Babylone d'intolérance. Donc on peut dire que à la limite, la ville tentaculaire, c'est un peu le remplacement de la forêt romantique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'expressionnisme, on le sait, est un avatar du romantisme. C'est une nouvelle forme, une nouvelle métamorphose de l'esprit romantique. Et donc, on peut dire que dans le monde moderne, l'homme est en butte à l'hostilité de la ville, comme il a pu l'être à l'hostilité de la nature. Donc, je crois que ce qui intéressait Lang, c'était la modernité. Et d'une certaine façon, être moderne, c'est parler du gigantisme. Le problème, c'est qu'effectivement, là où est introduite la notion pré-fasciste, c'est cette sorte de médiation. C'est quand tout se termine bien. Mais le fait de montrer l'homme écrasé par la machine, c'est une chose que l'on trouve chez Chaplin, parce qu'on peut dire que les temps modernes étaient influencés par Métropolis. Il y a exactement chez Chaplin, y compris dans l'homme que l'on voit apparaître, enfin le patron de l'usine qui apparaît sur un écran intérieur, ce côté Neuesachlichkeit, cette esthétique extrêmement épurée, dépouillée de Chaplin dans les temps modernes, à mon avis vient directement de Métropolis, y compris dans la robotisation de l'individu. On ne dira pas que Chaplin est pré-fasciste. Je crois que c'est la morale finale du film qu'il est, et non pas le film lui-même. Il n'y a pas seulement le thème moral, il y a quand même la façon de le présenter. Dans Chaplin, même si l'homme est écrasé par le système industriel et l'économie, il est présenté cinématographiquement à l'échelle humaine. Tandis qu'il y a quand même tendance chez Lang, notamment dans Métropolis, toutes les fois qu'il met en scène, qu'il représente des individus, il a tendance à les présenter dans un cadre qui est vraiment, je dirais, trop écrasant. Il y a une sorte d'excès de l'écrasement de l'homme dans Métropolis, qui fait que peut-être il y a avec chez Lang une sorte d'affinité avec cette puissance extraordinaire, et qui est souvent d'ailleurs une puissance archaïque. Lorsque vous dites, Simon, que la ville de Métropolis peut être rapprochée d'une forêt de type romantique, mais c'est peut-être là qu'on s'approche d'un certain imaginaire où appuiser précisément l'imaginaire de type fasciste. Je crois qu'il y a en fait chez Lang, d'après certaines de ses déclarations sur les intentions qu'il avait eues quand même lui sur le scénario, il y avait en fait l'intention, avant ou après la naïveté de la conclusion qu'on peut admettre comme naïve en tant que telle, n'est-ce pas ? Il avait eu l'intention, semble-t-il, de développer davantage l'opposition entre la modernité mécanique, dirons-nous, et gigantesque, et le caractère irrationnel des forces qui viennent à son secours, c'est-à-dire tout l'appareil des créations, de la part de création magique qu'il y a dans l'activité de Rotwang. Or, ce qui est curieux, c'est que on peut lire là, si on veut, une sorte de justification par avance, non pas du nazisme, mais même de la critique une sorte de critique du nazisme, d'entrée de jeu, c'est-à-dire la tentative de concilier l'inconciliable. Vous savez que Heidegger n'hésitait pas à dire que le national-socialisme était la mise en forme de la technique à l'échelle planétaire. Ce qui ferait de nous tous aujourd'hui des nationaux socialistes sans le savoir, et d'une part, et qui d'autre part laisse entendre qu'une sorte d'international d'ingénieurs se baladait à travers le monde en réglant tout à l'américaine, C'est là où l'intervention, l'apparition de la ville future, qui est forcément de type américain pour les Allemands après la guerre de 1914, la ville future est de type américain. Lang ne serait jamais allé à New York que peut-être que la photo des gratte-ciels lui aurait suffi à lui donner l'idée de son film. Et en même temps, il y a cette impossibilité, semble-t-il, pour dans le chaos de l'Allemagne de Weimar finissante, cette impossibilité de trouver une issue autrement que par, avant cette conciliation du capital et du travail, la conciliation de la mécanique et de l'appel à l'irrationnel. Or, ce qu'il y a de très curieux, c'est que si on regarde bien le film, cette conciliation-là, elle ne fonctionne pas. Elle échoue. Comment concilier l'appel à l'irrationnel avec, d'autre part, la rationalité? Je crois que c'est un problème fondamental dans Métropolis. Et là, évidemment, on peut regretter que Harbaud ne lui ait pas donné le matériau littéraire qui lui aurait permis de le traiter plus à fond. Il le traitera plus à fond dans d'autres films. Mais je crois qu'effectivement, si le film reste un film extraordinaire, c'est effectivement par le génie visionnaire de Lang, qui est à la fois, curieusement, mais là on rejoint l'opposition magie-rationalité, qui est à la fois un génie décoratif, au sens où c'est un Viennois, il est disons, le côté en volute d'une certaine esthétique dans les jardins, par exemple, des maîtres, et d'autre part, c'est un Berlinois par sa culture des années 20, et là, il y a une sorte de tendance, justement, je parlais de la nouvelle objectivité, une tendance à des décors nus, très dépouillés, comme dans les bureaux de Federsen. D'ailleurs, on dit que l'Otto Eisner, dans son livre, signale que le bureau de Lang à Berlin, dans les années 20, n'avait absolument rien au mur. C'était un bureau très, très abstrait et que même sa maison de Beverly Hills, quand il s'est réfugié aux États-Unis, ne comportait pratiquement aucune œuvre d'art. Et c'était également extrêmement dépouillé. Donc, il y a cette double tension également chez Lang. Dans l'écran démoniaque, Lott Eisner évoque en ces termes les jeux expressionnistes de Fritz Lang. Dans Métropolis, comme dans tous ses films, Lang manie admirablement les éclairages. La cité future apparaît, superbe pyramide, accumulation de gratte-ciel jetant des gerbes de lumière. Merveilleux artifice des projecteurs et trucages où se dessinent, semblables aux carreaux noirs et blancs d'un échiquier, les fenêtres éclairées et les pans de murs sombres. Des radiations lumineuses éclatent partout, scintillantes et vaporeuses ou groupées en une fine pluie de rayons. Les maquettes de la ville, avec ses routes et ses ponts jetés dans le vide, deviennent immenses. À l'aide de la Spiegeltechnik, procédé de miroirs, de chouftan, les maisons ouvrières, dont seule une partie de la hauteur totale est édifiée sur le plateau, reflètent sur l'écran leur façade prolongée. La lumière va jusqu'à créer l'impression sonore. Le sifflement de la sirène de l'usine est représenté par quatre phares dont les jets lumineux s'élancent comme des cris. La lumière joue également un rôle de premier plan pour la création du robot, de même que pour la symphonie des machines, dérivée des films abstraits de Léger et de Routemann. Dans cette féerie de laboratoire, si utile ici, des alambics s'emplissent d'une lueur fluorescente, des conduits de verre luisent brusquement, des zigzags d'éclairs ou des étincelles jaillissent, des cercles de feu montent et des roues de moteurs, des leviers, semble se transformer en broussailles phosphorescentes. Les habitants de la ville souterraine sont des automates, bien davantage encore que le robot créé par l'inventeur Rod Wang. Leur personne tout entière est accordée au rythme des machines compliquées. Leurs bras deviennent les rayons d'une roue immense. Leur corps, niché dans des creux à la surface de la façade de la centrale, représente l'aiguille animée par un mouvement d'horloge. La stylisation transforme l'humain en élément mécanique. Aux embrasures des deux étages, la diagonale de chaque corps pointe toujours dans une direction opposée à celle du voisin. les lois de la formation de l'espace s'appliquent aussi au corps, car c'est avant tout le corps humain qui confère sa plastique à la structure scénique. Mis à part ces hommes-machines, Lang cherche de plus en plus à faire entrer un groupe de figurants dans un cadre géométrique. Dans la mort de Siegfried, le corps humain était souvent un élément du décor. Dans Métropolis, il devient un facteur de base de l'architecture elle-même, figé en compagnie d'autres corps dans un triangle, dans une ellipse, dans un demi-cercle. Quand on parle d'architecture du cinéma languien, je pense qu'il faut surtout tout de suite préciser que c'est une architecture qui n'est pas seulement à un niveau de vitrine, de décor, mais également beaucoup plus profond, tant au niveau de l'architecture du récit que une architecture de la, ce qu'on appelle un peu bêtement la psychologie des personnages. Mais quand on voit comment travaille Lang, on peut penser à la psychanalyse. Cette référence à l'architecture que vous avez marquée est présente dans le film de manière très spectaculaire, puisque Fritz Lang a jugé bon d'introduire une séquence qui représente très exactement le mythe de l'architecture sous la forme du mythe de Babel. C'est vraiment un morceau quasiment à part relativement à l'intrigue générale du film et qui cependant constitue véritablement le noyau du film. Le mythe de Babel, qui est montré d'ailleurs sous forme d'images particulièrement saisissantes, particulièrement impressionnantes, témoigne du fait probablement que pour Fritz Lang, l'architecture ne sert pas seulement de décorum, n'est pas seulement un cadre plus ou moins abstrait ou neutre par rapport à la réalité humaine, mais que véritablement elle modèle la réalité humaine. Oui, et en plus, l'architecture en Allemagne à l'époque est très importante, faut le répéter. Et il s'est passé avec l'architecture et le Bauhaus, et ce qui s'est passé avec Métropolis, avec Wagner, avec toute la culture germanique, c'est la colonisation par les nazis. Ça, bon, Métropolis passant pour un film nazi, c'est stupide. Les nazis l'ont colonisé comme film nazi, comme ils ont colonisé Siegfried. Ils ont colonisé Wagner de la même manière. Et Speer, je sais pas si on dit Speer ou Speer, Speer, quand il a construit toutes ces architectures commandées par Hitler, s'inspirait beaucoup du Bauhaus. Il faut oser le dire. S'inspirer, il a colonisé aussi. C'est-à-dire que c'était tellement fort dans les fibres de tout le monde, même ceux qui n'en étaient pas conscients. C'était même quelque chose de populaire, j'allais dire, que la force du film Métropolis à l'époque, c'est passé bien au-delà du récit que ça raconte. C'est passé à un delà, disons, de la représentation et de la réception de cela par le peuple germanique dans la situation qui était de Wehrmacht, mais aussi partout dans le monde. Et que le film était prémonitoire, non pas d'événements tragiques ou non, prémonitoire d'une avancée. C'est un véritable film de science-fiction, mais une science-fiction qui devient science documentaire avec le temps. Et ça, c'est très intéressant, vu que c'est dans ce film qu'on invente la télévision. Et bien d'autres éléments typiques de ce qu'on appelle couramment la science-fiction. Et on peut dire d'ailleurs, sur la science-fiction rapidement, c'est un autre film, dans La femme sur la lune, il y a une chose très importante, c'est que Lang a inventé le compte à rebours. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Il tournait Les femmes sur la lune et il y a vraiment la fusée qui devait partir. Et il a dit, bon, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est plat, c'est pas très bien et tout. On va faire 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, ce qui est intéressant à raconter, non pas pour l'anecdote qui aurait touché beaucoup de droits d'auteur à la NASA, mais simplement pour se rendre compte que la conscience de se dire comment je dois représenter au niveau de ce qu'on appellerait un suspense les choses, mais comment je dois avoir l'image juste de l'effet que je veux représenter pour une espèce, disons, de choc sur le conscient et l'inconscient du spectateur, comment je dois faire, aboutit à cette perfection cinématographique qui permet dans ce cas-là d'accepter la naïveté d'un sujet qui se dépasse, qui s'épanouit autrement par la représentation et qui fonctionne sur le spectateur à divers niveaux. Il a accordé une importance très particulière, précisément dans ce film, à la séquence concernant la fabrication du robot. Lorsque Rodvang, l'inventeur à la fois génial et fou apparemment, fabrique à partir du corps de la vraie Maria, immobilisée dans une sorte de cercueil de verre, fabrique cette image du robot, il est évident que Fritz Lang a beaucoup travaillé cette scène en introduisant toute une série d'éléments de références scientifiques. Et donc Rodvang, l'occultiste, qui habite une maison qui est comme une verrue, pourrait-on dire, à l'intérieur des grands gratte-ciels modernes, Rodvang a à la fois un pied dans le passé, ésotérisme et occultisme, et en même temps un pied dans l'avenir. Oui, mais qu'est-ce que c'était l'ésotérisme, qu'est-ce que c'est? Parce que si on parle un instant de la magie noire, de la magie blanche et tout cela, on sait très très bien que les scientifiques du Moyen-Âge étaient en même temps des alchimistes, dit-on, mais ils ont fait avancer la science énormément parallèlement à leurs recherches de type mystique. Ce qui est important, c'est de parler de la maison de Rodvan. Alors, premier point, il y a deux lieux gothiques dans tout le film. Il y a la cathédrale, là où Rodvan va mourir, devant le parvis de laquelle il va y avoir la médiation. Et il y a cette maison qui, en apparence, un peu comme les dessins animés, vous savez, où on voit une vieille maison horrible, un pauvre qui rentre mendiant, et brusquement, hop, tout se retourne, et c'est Byzance. Bon, et là, cette maison, apparemment comme cela, c'est un laboratoire extrêmement moderne qui est à l'intérieur. Ça n'est plus l'occultisme à ce moment-là. Il peut y avoir le pentacle, disons, sur la porte de Rodvang, c'est pas ça. Mais sur Rodvang, ce qui est intéressant de voir, c'est justement, il dit à un moment, il est à la fois, vous avez raison, le lien entre le passé culturel et scientifique allemand, et l'avenir. Parce qu'il dit qu'il a sacrifié sa main à ses recherches d'électricité. Et on sait très très bien que dans la culture germanique, comment Wotan a pu avoir le pouvoir, il a sacrifié son œil pour avoir les runes. Bon, alors il y a déjà cette chose. La main, en même temps, chez Lang, on peut en parler, c'est quand même un élément extrêmement précis. C'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est même le phallus. Oui, alors la main de Rodvang, rappelez-le, c'est une prothèse c'est noire. C'est une prothèse. Prothèse noire, parce qu'il a donné noir. Donc une de ses mains pour avoir le secret. Bon, on va pas aller là-dedans, là on en aurait pour des heures. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il capture la vraie Maria. Il y a une scène tout à fait cinématiquement importante. Maria se promène dans les catacombes avec une bougie, un cierge pour s'éclairer. Elle a peur. Et brusquement, on a un plan admirable de la main prothèse avec gants noirs de Rodvang qui éteint cette bougie, qui éteint donc une espèce de réalité de la vie, si vous voulez, du phallus vie. Bon. Et tout de suite après, Rodvang la poursuit avec une torche électrique. Donc, c'est de nouveau le monde du modernisme et du remplacement. Bon, de la frustration. C'est déjà l'objet de faire que l'image de Maria va être par la suite, vu qu'elle sera le robot. Et il la pourchasse, et c'est une véritable scène de viol qui a lieu dans les catacombes. Bon, et on se souvient que la lumière dans cette ombre n'est plus la lumière libératrice, mais la lumière qui prend, qui aliène et qui domine. Et là, c'est intéressant à voir, parce qu'on ne peut pas baser toute une théorie sur l'occultisme par rapport à Lang, parce que l'occultisme voudrait que la lumière, c'est la libération, c'est le soleil. Bon, c'est bien la swastika au départ, c'est un signe de lumière colonisé également par les nazis qui n'avaient rien à voir avec, signe à rien, pour ça qu'il l'avait pris. Bon, et que, curieusement, Lang renverse la situation, vu que cette lumière devient aliénante, le pouvoir, la possession est dans les mains de l'occultisme et non plus la lumière libératrice. Première chose. Bon, deuxièmement, quand il fait le passage de l'image de Maria dans le robot, il y a tout à un moment où il lève la main avant pour expliquer à Fredersen qu'il a donné cette main qu'il va avoir. Donc il sait que son pouvoir à lui ne peut plus passer par le corps humain, mais ne peut passer que par le robot, que par la matière. Et je dirais même, parce que Lang est peut-être beaucoup plus Rodvang quelque part que Fredersen, ne peut donc passer que par la construction mécanique, que par la technique, et non plus par l'inspiration de type, disons, naturaliste. Bon. Et tout cela étant donné, si bien que quand la femme devient robot, quand ce robot, au départ, il crée une hystérie chez, disons, les ouvriers en disant « il faut se révolter ». Bon, discours de type nihiliste. Nihiliste ambigu. Nihiliste national-socialiste ou nihiliste communiste. Ça, à l'époque, il faut dire que dans l'idéologie d'un anarchiste comme Lang, les deux problèmes existaient autant pour lui. Bon, le danger rouge était autant que le danger noir, je crois. Bon. Deuxièmement, après, elle va créer à l'intérieur de la ville, haute, elle va créer une sorte de jeu de désir et de frustration chez les gens. Elle s'exhibe. Elle crée, on le voit dans la version de Patala, elle crée des duels, elle crée des violences, elle crée des désirs. La première fois qu'elle apparaît, qu'elle fait un numéro extrêmement érotique, alors que c'est un robot, on a tous ses yeux qui viennent sur l'écran et qui la regardent et qui la convoitent. Et à partir de ce moment-là, Lang comprend brusquement une chose qui sera d'une telle évidence dans la société qui va venir, c'est que l'être humain va tomber amoureux d'images robots, qu'elles soient glacées sur du papier, bon, d'images de type à procurer un onanisme, mais absolument pas une possession. Et aujourd'hui, à l'ère des pep-shows, à l'ère, disons, de la pornographie, à l'ère de la publicité et tout, on se rend compte que là aussi, le personnage du robot, l'androïde, n'est pas seulement un élément qui vient comme ça, disons, du romantisme et du 19e siècle et des fous littéraires. C'est une annonce complètement, attention, le cinéma peut porter ce type de problème, le cinéma peut être fascination, le cinéma peut être aliénation. Et que Metropolis n'est pas seulement un film sur une ville haute, une ville basse et tout, c'est tout un film sur qu'est-ce que le cinéma et comment fonctionne-t-il sur les gens par rapport à ce qu'il transbahute. Je dis bien transbahuter, tant sur l'inconscient et le désir des gens que sur leur volonté de ne pas voir les faits sociaux. Par-delà les antagonismes nets et francs, par-delà ce qu'on a pu considérer quelquefois comme un simplisme, il y a une très très grande complexité dans l'œuvre de Fritz Lang. Et par là même, on est amené à se demander si, plutôt que de se laisser porter par les implications ultérieures de l'œuvre, il n'est pas intéressant de se dire que cette œuvre fonctionne comme une sorte de réalité matricielle. C'est-à-dire qu'il faut prendre Métropolis au sens quasiment étymologique du terme, la ville-mère. Et à cet égard, cet objet filmique essentiel qu'est Maria dans sa double version, la vraie Maria et la fausse Maria, la Maria charnelle et la Maria mécanique, est-ce qu'elle ne serait pas la représentation, et alors là nous pénétrons dans ce domaine obscur de l'inconscient, la représentation de la mère dans sa dualité. D'un côté nous avons la mère bonne, c'est la vraie Maria, la Maria évangélique, et de l'autre nous avons la mère mauvaise, c'est le robot. Dans Dermu de Taude, Les Trois Lumières, Dieu est invisible. Dans Docteur Mabuse, Dieu est absent. Bon, c'est un film complètement matérialiste et pragmatique. Bon. Dans Siegfried, Niblungen, Dieu est mort. Siegfried meurt. Bon. Et ici, il y a deux images de Dieu. Rodvang, l'occultiste, celui qui a tous les pouvoirs, aussi bien ceux de la magie que de la science, et le père Pedersen, qui est le dieu de la cité. Et ces deux hommes, et là, la nouvelle version, enfin la version qu'on redécouvre de Métropolis et Capital, ont été amoureux de la même femme, qui est morte, elle. Et cette femme a deux dominantes qui viennent d'elle-même, une qui est naturelle, qui est accidentelle, qui pourrait joindre l'idée de l'inceste, mais alors là, on irait très très loin, qui est la vraie Maria, qui est la mère, au sens de la Vierge Marie, donc la mère qui a un corps, mais ce corps ne peut servir qu'une fois que son destin est assumé en tant que mère chrétienne, judéo-chrétienne, et tout ce qu'elle représente, et l'autre mère qui est que l'objet, et qui est la part négative, la part d'ombre. Mais la différence, c'est que les deux dieux sont deux dieux négatifs. C'est-à-dire que Lang n'a pas mis un dieu positif dans tout cela. Rodvang est un dieu négatif, c'est le vrai dieu, c'est celui qui crée. Bon, même s'il crée du faux. C'est le dieu en tant que créateur. En tant que créateur, voilà. Et l'autre est le dieu en tant que manipulateur, maître, et en tant qu'ordonnateur. En tant que dominateur, le maître. Coordonnateur, bon. Mais il n'y a pas un troisième dieu qui serait la solution. Parce que le fils Fredersen est un élément faible, soumis. Ça n'est jamais Jésus le Rédempteur. C'est jamais, disons, il veut se sacrifier, il n'y arrive pas. Je veux dire qu'il se sacrifie, il n'y arrive pas, parce qu'il est toujours sauvé par le Père qui lui dit « Eh, viens ici, je vais te soigner, mon petit. » L'athéisme de Lang comme idéologie implicite du film se manifeste relativement clairement, comme vous l'avez souligné, dans la figure plutôt négative de Rodvang, en tant qu'il est présenté comme créateur, mais créateur de mal, dans la figure du Père Fredersen, le maître de la cité, qui lui aussi est présenté comme un vil exploiteur. Il est aussi présent, ce dieu absent, si l'on peut dire, dans la figure de Moloch. Lorsque le fils Freder est dans la grande salle des machines, qu'un accident se produit et qu'il voit les images de machines figurer le visage de cette idole appelée Moloch. Vous avez parlé de la tour de Babel. Les deux éléments de référence biblique, c'est la tour de Babel et c'est Moloch. Et je pense que ça n'est pas pour rien. Donc on peut dire que l'aspect de Dieu comme paternité à la fois protectrice, comme celui qui aussi donne des lois, qui introduit de l'ordre, mais aussi de la bonté à l'intérieur de la cité. Le maître de la règle. C'est celui qui n'existe pas chez Fritz Lang. En revanche, on peut dire que ce qui est perdu sur le registre paternel est récupéré sur le registre maternel. Et c'est là, peut-être, que les implications idéologiques et imaginaires ensemble sont les plus riches. Car on va passer facilement d'une figure plus ou moins symbolique et imaginaire de la mère à des représentations plus concrètes, comme par exemple la mère Allemagne et ses petits-enfants menacés par des grandes catastrophes, comme le donne à penser et à voir la grande image de l'inondation dans la ville basse des travailleurs. Dans la façon même de modeler la cité comme quelque chose du terrain et de matriciel, on peut dire que le film est saturé de maternité et que c'est peut-être cette dimension maternelle qui a le plus frappé l'imaginaire des spectateurs et parmi ces spectateurs, un personnage nommé Hitler. Oui, mais c'est parce que c'était le retour à la réalité allemande. Bon, là, on est obligé de faire un peu d'histoire, si vous voulez. C'est que qu'est-ce qui s'est passé après Guillaume II après la 14-18, l'Allemagne, qui avait été la plus grande puissance économique avec les États-Unis dans le monde, devient la dernière. L'Allemagne est foutue en 18-19, foutue complètement. Plus aucune force économique, plus de force industrielle. La seule chose qui marche bien, c'est le cinéma, curieusement. Et à partir de là, les Allemands sont en quête d'identité. Un peu, si vous voulez, comme les États-Unis maintenant, où les Américains, après le Vietnam, sont en quête d'identité et, disons, préfèrent Reagan à un démocrate. Bon, pourquoi? Tout cela est très logique, si on analyse un petit peu au niveau de l'histoire. Et Lang leur donne d'abord Les Trois Lumières, c'est important de faire la suite. Les Trois Lumières, qui est un retour vers la Blaue Blumen, hein, la fleur bleue du romantisme allemand. C'est-à-dire pas du tout le romantisme français. Bon, retrouvons nos origines, retrouvons notre culture profonde du 18e, 19e siècle, Goethe, etc., Jean-Paul, Chamisso, tout cela. Bon, première chose. Deuxième film après, il dit, mais qu'est-ce que la réalité de maintenant ? M'abuse. Et alors, il fait ces deux films sur M'abuse qui montrent vraiment l'Allemagne du moment. Tout ce qui s'y passe. Bon. Après cela, il dit, bon, maintenant, je vais montrer ce qu'est l'Allemagne légendaire. Et il retrouve les grandes idées, bien sûr ariennes, mais pas nazies, en prenant non pas l'opéra de Wagner comme base pour Leni Blumgen, mais la légende. Bon, il fait cela. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Métropolis. Et dans Métropolis, qui se veut une science-fiction, l'homme de demain, entre guillemets, il fait pas ça du tout. Il montre brusquement à quel point tout individu a besoin de retrouver l'image inconsciente de la mère, tant dans sa vie privée que dans sa vie sociale et publique. Bon, quand on sait que par la suite, Elma Sanders fait, des années plus tard, un film qui s'appelle « Allemagne, mère blafarde », on peut y penser. Et à ce moment-là, Métropolis a en effet un danger comme film, parce qu'il peut être récupéré. Et là, il est vrai que les nazis l'ont bien récupéré, Métropolis. Beaucoup plus qu'ils ont pu récupérer Leni Blumgen. Parce que dans le film, il y avait cette idée de dire brusquement, il peut y avoir des médiateurs qui vont permettre à l'Allemagne de retrouver son identité. Vous allez retrouver votre mère, vous allez retrouver le sein de la mère, la chaleur, vous allez retrouver votre identité, vous allez être des Allemands. Rappelons que médiateur en allemand se dit Mittler, et qu'un homme comme Hitler, entendant ou lisant ce terme de Mittler dans le film, ne peut pas ne pas établir une relation avec le personnage christique qui est dans le film et qui correspond d'ailleurs à cette période un peu christique du développement de l'imaginaire de Hitler. Oui, mais il est vrai que Hitler et Goebbels voient Métropolis et estiment que c'est le cinéaste qui doit faire les films nazis. Parce que, bon, c'est comme la svastika. La svastika, il voit la svastika, qui est un signe de côté arien, qui est très très fort comme image, bon, qui est un signe qu'on trouve dans toutes les civilisations. Le signe du soleil, qui n'a rien à voir avec ce que sera le nazisme, mais ils disent, voilà le signe qui va nous servir. Et l'angle, voilà qui va nous servir. Et c'est l'idée fixe. Parce que bien que Lang fait M le maudit, qui est loin d'être un film qui peut plaire aux nazis, bien qu'il fait le testament du docteur Mabuse, où il fait une caricature d'Hitler dedans, à tel point que le film a été interdit en 33, quand il devait sortir, on l'a sorti à la place un film qui était le ciel d'Allemagne, je ne sais plus très bien le titre, c'est un film nazi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on convoque Fritz Lang dans le bureau de Goebbels. Et là, on lui dit, voilà, Richard Strauss a s'occupé de la musique, vous, voulez-vous occuper du cinéma? Pourquoi cette question? Bon, parce que les cinéastes allemands les plus importants avaient été Murnau, Lubitsch et lui. Bon, Murnau était aux États-Unis, Lubitsch y était depuis très longtemps, et avec lui qui restait. Et il y avait Métropolis derrière. Et là, on lui dit, vous savez, j'ai la famille juive. On lui dit, vous savez, ce qui est juif, le Führer et moi, nous en déciderons. Voulez-vous vous occuper du cinéma en Allemagne? Lui, il dit, oui, je vais réfléchir, et il s'enfuit. Il s'enfuit pas uniquement pour des raisons idéologiques. Il s'enfuit parce qu'il savait qu'il ne pourrait plus être le dieu de ses films. Il savait aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le dieu, que Hitler et Goebbels diraient, voilà ce que vous devez filmer. Bon, il s'en va aussi pour ça. Mais il est logique que les nazis aient dit, l'esthétique forte, admirable au niveau artistique, qu'il fait, comme Strauss, on ne peut pas nier que Strauss était un grand musicien. Bon. Et la façon dont il montre les choses au peuple peut nous servir terriblement. Beaucoup plus que leur a servi Leni Riefenstahl, qui faisait du documentaire, admirable d'ailleurs, mais beaucoup plus. Et Lang était piégé là-dedans. Et je crois qu'il y a une culpabilité terrible de cela. Je crois que Métropolis l'a rendu coupable quelque part. Parce que quand on lui demandait, mais votre plus grand film allemand, c'est Métropolis, il disait, non, non, c'est M le maudit. Comme si il avait senti qu'il avait un petit peu dérangé l'ordre des choses et il avait créé, c'est un peu comme Einstein découvrant l'atome et se disant attention, ça va pas servir uniquement à ce que je croyais. Bon, il a eu très peur. Et ça, Métropolis, c'est un film qui peut être très dangereux. Faut pas le nier. C'est un film qui peut être complètement recolonisé aujourd'hui dans certaines idées et qui peut vraiment être un film, devenir un film de droite dans une certaine lecture qu'en feraient des gens assez malins. Pour ne pas faire lire les images telles qu'elles sont, mais telles qu'ils veulent qu'elles soient. Et c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup plus ambigu, encore aujourd'hui qu'on le dit. Et quand Buñuel attaquait le sujet du film, en disant il y a deux films ensemble, il y en a un qui contredit l'autre, il faisait bien comprendre, mais il était conscient du danger du premier. Et les Allemands n'en étaient pas conscients, parce que qu'est-ce qu'ils disaient sur l'idéologie du film? C'est banal, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire, c'est pas travaillé, parce qu'ils étaient inconscients de ce qui se passait dans leur pays. Il est inconscient de la montée d'une idéologie qui allait aboutir au national-socialisme dominant. Il ne s'en rendait pas compte. Lang l'avait pressenti. C'est l'ambiguïté du film ne tient peut-être pas tant à des prises de position idéologiques qui seraient confusionnistes chez Lang qu'au fait qu'il cherche à remonter à une sorte de source première. Il effectue une sorte d'anamnèse, comme on dirait en psychanalyse, c'est-à-dire une sorte de régression vers ce qu'on appellerait aujourd'hui des racines, vers quelque chose d'originaire qui pourrait servir de source ou de tremplin à la fabrication, non plus scientifique, mais sociale ou anthropologique, d'un homme nouveau, projet qui était d'ailleurs le projet des nazis. Absolument. Mais en même temps, ça c'est une dominante, c'est une des obsessions de Lang, cette espèce de retour aux sources. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand il vient aux États-Unis, il fait d'abord 3 films de critique sociale, et tout après, il veut faire, entre guillemets, des westerns. Il veut, mais pas des westerns qui sont l'histoire des États-Unis. Les films de l'Eastern Union, Frank James, il veut faire ça. Bon, par la suite, quand il revient en Allemagne, d'abord, il veut reprendre un vieux projet qu'il avait, qui rejoint toute son adolescence et tout, le Tigre et le tombeau hindou, qui est un retour à l'isolation indienne. Et pour finir, dans ce cas-là, il finit sa vie sur Le Diable et Mabuse, le dernier, The Thousand Arrogance of Dr. Mabuse, Les Mises de Dr. Mabuse, qui est à la fois un film sur le cinéma et sur l'image, et un film sur la survivance, non pas du nazisme, mais d'un nouveau nazisme qui existe en Allemagne. Parce que là, il découvre, et c'est le grand pessimisme de Fritz Lang, il découvre, revenant en Allemagne, que tout le passé culturel que lui avait essayé de faire ressurgir sous Weimart, avec des films comme Siegfried, comme Metropolis et tout ça, que tout cela n'est plus là. Lang a eu une activité de sculpteur qui jusqu'à présent était plus ou moins ignorée. Qu'a fait exactement Lang dans ce domaine, Michel Simon? Oui, enfin, ce sont des informations. C'est effectivement une découverte majeure de, entre guillemets, de l'histoire de l'art, puisqu'il s'agit d'un des plus grands artistes du XXe siècle, qui est Fritz Lang. Jure Mikus, qui est le conservateur du musée d'art moderne de Ljubljana en Slovénie, a découvert tout à fait récemment, il y a un an, 4 sculptures dans une famille près de Ljubljana, donc. Famille qui avait abrité Fritz Lang lorsqu'il était militaire, officier dans l'armée autrichienne sur le front de 14. On sait très peu de choses sur la vie de Fritz Lang. Il est né en 1890 jusqu'en 1919, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 29 ans. On ne sait pratiquement pas de choses. Fritz Lang lui-même a été extrêmement discret. On sait qu'il a fait des voyages en Extrême-Orient, a-t-il dit, et probablement c'est vrai. On sait qu'il a fait la guerre, on savait qu'il avait étudié la peinture, qu'il avait fait des études d'architecture et qu'il peignait. Mais là, on a des preuves, puisqu'il y a une photo de Fritz Lang dans son atelier que nous publions dans Positif. Il y a également ses sculptures, 2 bacchus et 2 vases triangulaires. Et c'est évidemment une découverte majeure, parce que ça nous renseigne sur la formation artistique de Fritz Lang. On se rend compte qu'il avait effectivement cette formation plastique. Ses bacchus annoncent déjà, ainsi que les vases triangulaires, annoncent toute l'influence à la fois gréco-orientale qui se manifestera dans ses sérioles, dans ses films à épisodes. Et je crois qu'on peut dire que Lang, effectivement, chaque cinéaste a quelque chose qui domine en lui. Chez Lang, incontestablement, la plastique est dominante, car c'est là sa première formation. L'angle plasticien, donc, cela est indiqué très nettement par les informations que vous apportez dans Positif. Mais ce qui est remarquable, c'est aussi le traitement plastique qu'il fait de la pierre. Il y a à la fois une tendance au géométrisme, chose que l'on va retrouver dans tous ses films, et en même temps, lorsqu'il traite une forme, par exemple, de visage, il la pousse dans le sens de ce qu'on appelait traditionnellement l'expressionnisme. C'est peut-être cette tension que Lang parvient à réaliser entre quelque chose qui relève de l'abstraction, du géométrisme, d'une rationalité un peu mathématique. Et de la pulsion. Et en même temps, ce qui relève de la pulsion. Dans son ouvrage Cinémanie, Gérard Legrand écrit: Lang vise à l'économie, au sens étroit du terme, dans tous les sens étroits du terme. De là, la rareté luxueuse des mouvements d'appareil, l'importance d'un décor vide où flotte un rideau, plan fixe du premier Mabuse. C'est une économie politique, car elle identifie la cité, le grouillement des humains, leur classe, leur strate, directement à l'espace habitable. Mais à l'espace effectivement habité ou non. Pas de différence entre les ruelles mondiales du premier Mabuse, avec leurs trappes, et la société pyramidale d'Eshnapur, entre la ruche transparente, qu'est le journal de While the City Sleeps, et les maquettes de sable de Frau im Mond. C'est en effet toujours le même type de menace externe qui pèse sur la communauté. Le chaos, les ténèbres souterraines, l'eau des rivières, des étangs, les vagues déferlantes dans Moonfleet. Mais la communauté n'est pas investie d'une pureté originelle et inaltérable. Elle n'est pas à défendre à tout prix. Et en outre, elle est menacée de l'intérieur par des facteurs ambigus de renouvellement. Les intuitions ou préoccupations de Lang seront à comparer avec un texte contemporain plus précis, bien sûr, longtemps inconnu en France, « Malaise dans la civilisation » de Freud. Le cinéaste non plus n'est pas un moraliste, malgré une commune prudence de formule. Deux pessimistes fondamentaux, qui ne désespèrent pas tout à fait, cependant, de la perfectibilité humaine au sens de la Aufklärung. Que Lang, c'est l'exemple même du contrôle absolu, et donc le metteur en scène comme démiurge, le metteur en scène comme Dieu. Et donc, il est certain que dans Métropolis, on voit apparaître le retour de ce thème qui existait déjà chez Mabuse, et que l'on retrouvera dans Les Espions, et que l'on retrouvera dans tous les films de Lang. Peut-être que dans Métropolis, particulièrement, Lang dispose d'une situation privilégiée, qui lui permet de laisser jouer, dans une assez large mesure, cette dimension démiurgique que vous signalez. Mais lorsqu'il doit faire des films presque sur commande, notamment lorsqu'il est aux États-Unis, est-ce qu'il ne se heurte pas là à un barrage qui, pour lui, doit être quelque chose de relativement intolérable? On doit d'abord faire le bilan des films qu'il a fait et de ceux qu'il n'a pas fait. Je veux dire que si on regarde de près le très beau livre de Lotte Eisner, on constate que le nombre de projets non réalisés, parce que Lang a décidé de ne pas les réaliser, et a décidé de ne pas les réaliser parce qu'il n'avait pas le minimum de garantie qui lui paraissait suffisante, est aussi énorme que celui des films faits. Je peux dire sans trop m'avancer qu'il y a au moins un film non fait pour un film fait, tout le temps que Lang est aux États-Unis. Bon. D'autre part, il y a eu des moments privilégiés. Son association avec Walter Wanger, par exemple, où à l'évidence, pendant quelques années, il a disposé d'une plus grande liberté que dans d'autres studios. Il a justement cherché cette liberté de studio en studio. Les conditions dans lesquelles il était arrivé aux États-Unis lui étaient quand même les conditions d'une certaine notoriété. Avant de tourner Fury, vous savez qu'il y a eu toutes sortes de projets avortés, on lui a offert des sujets qu'il ne voulait pas traiter, il en a proposé d'autres que les producteurs ont refusés. Et puis, quand enfin il a fait ce film, l'existence du film a été suffisante pour qu'il bénéficie quand même d'un certain crédit qu'on n'accordait pas toujours aux metteurs en scène venant d'Europe. Bon. Il a passé son temps à l'intérieur de ses films de commande à ruser, à lutter pour, j'allais dire, y mettre sa marque le plus possible. Alors, il y a l'échantillonnage depuis Guérilla dans les Philippines, où il faut bien dire qu'on se demande si c'est un film de Lang. Enfin, je veux dire, bon, sa signature y est, il n'y a rien de scandaleux, mais je veux dire... Et puis, un certain nombre de films que moi, je tiens pour de véritables chefs-d'œuvre, et où, incontestablement, il a réussi, au prix, justement, d'un contrôle de soi, et même d'un contrôle de la production, et de ses moyens de contrôle qui consistent, par exemple, à travailler très souvent avec le même chef opérateur, à obtenir que le temps qu'il est dans un studio, c'est toujours le même chef monteur qu'il a. Et à dominer la production en arrivant, comme il l'a raconté, tous les jours au studio avant tout le monde, et à mettre tout en place avant les acteurs et avant les techniciens, il a réussi dans un certain nombre de cas à faire des films qu'on peut considérer comme étant de Fritz Lang à 99,99%. Les racines de ces films sont dans l'esprit de l'Europe et pas dans l'esprit de l'Amérique. Un de mes films, la saga de Nibelung, même quand on l'a montré en 24 ou 25, on ne l'aimait pas du tout. Mon premier film parlant était M, Le Maudit. Et je crois de Le Maudit jusqu'au Féru, c'est seulement un pas. Parce que les deux films sont une, disons-nous, une critique sociale. Vous savez, Fury, c'est un film contre le lynching. Il fallait que j'étudie les mœurs et les gens, et les, disons encore une fois, les racines de la vie américaine. Et là, j'ai appris quelque chose. C'est une grande vérité. En Europe, spécialement en Allemagne, quand j'ai travaillé, le héros était toujours un surnom. Le surnom de Nietzsche. Mais quand mon collaborateur Bartlett Cormack et moi, nous avons écrit Fury, je voulais que le héros doit être un avocat, parce que j'ai le pensée qu'il pourrait dire beaucoup de choses. Et on m'a dit, non, ne faites pas ça, faites-le un simple homme du peuple, pour que l'audience a la possibilité de s'identifier avec le héros. Oui, moi, je pense aussi que l'Amérique n'a pas du tout été un recul pour Lang, contrairement à ce que tous les historiens du cinéma ont écrit et les critiques pendant plus de 20 ou 30 ans. Je pense que, d'abord, comme disait Gérard Legrand, Lang a opéré un contrôle extrêmement strict de toutes les étapes du tournage du film, avec une méticulosité qui exaspérait d'ailleurs souvent les comédiens. Marlène Dietrich, dans ses mémoires, n'est pas tendre pour Fritz Lang. C'était quelqu'un d'extrêmement autoritaire, aimé de beaucoup de gens, aimé des techniciens, aimé des gens qui travaillaient avec lui, mais enfin, très, très allemand dans sa discipline rigoureuse, donc les films ne lui échappaient pas. Ensuite, vers la fin de sa vie, il a, si j'ose dire, bénéficié du fait qu'il tournait des films un peu de série B, enfin ce n'était pas, disons, des grandes productions, et on était plus libre à Hollywood dans les films moins coûteux, parce que justement, un film comme Autant on emporte le vent, le metteur en scène avait le producteur toujours sur le dos, parce qu'il y avait un investissement tellement grand que le producteur, Selznick, contrôlait tout. Tandis que quand on faisait un film avec des acteurs ou des actrices moins connus, c'est ce qui se passe dans la fin de sa vie pour Lang, ça lui permettait, à mon avis, d'avoir une beaucoup plus grande liberté que s'il avait produit des films d'importance économique majeure. Bon. Mais le deuxième point que je voudrais dire à propos de Lang en Amérique, c'est un point de vue, alors là, plus qu'un point de vue technique ou de, disons, de stylistique, de contrôle des choses, c'est véritablement au niveau de la réflexion sur le monde. Ce que vous disiez, Roger Dadoun, à mon avis, à juste titre, sur le fait que dans les films allemands, l'individu est oublié et que le monumentalisme l'emporte, je crois que l'Amérique a permis à Lang de rééquilibrer et de, justement, d'offrir une œuvre beaucoup plus riche. Parce qu'il a, au contact du monde anglo-saxon, appris à s'intéresser à l'individu. Il le dit lui-même. Disons que la leçon démocratique américaine lui a été extrêmement profitable. C'est-à-dire qu'il n'a pas oublié ses préoccupations sur la technologie, sur le pouvoir, sur la fatalité, sur le destin, etc., sur les forces obscures, sur effectivement l'engrenage. Tout cela, on le retrouve dans ces films américains, qui se trouvaient dans ces films allemands. Mais disons que c'est fait maintenant du point de vue davantage de l'individu et du héros américain. Il y a deux anecdotes. Il y a par exemple dans... Il raconte que dans Fury, son premier film, produit par Joseph Mankiewicz, par le futur metteur en scène, il avait inséré, par exemple, des vieilles dames qui parlent, et puis il avait inséré des plans de poules qui caquettent. Il était très content de son effet de montage, pour montrer que les femmes caquetaient comme des poules. Et les producteurs qui étaient là lui ont dit, écoutez, on avait très bien compris, votre mise en scène était suffisamment efficace pour que, dans la façon dont vous aviez cadré, dirigé ces comédiennes, on comprenait qu'elles papotaient. C'est inutile de nous montrer des poules. Et c'était un effet, disons, européen, eisensteinien, dont Lang était très fier. Il s'est rendu compte que ses producteurs américains n'étaient pas si idiots que cela, et ils avaient finalement mieux compris que lui l'efficacité de son style. Et la deuxième chose, c'est Mankiewicz qui le raconte lui-même, l'anecdote, que dans Fury, il y avait des séquences où on voyait Spencer Tracy poursuivi par des fantômes avec des surimpressions, et le public riait aux éclats au moment le plus dramatique du film. Et Lang, furieux, a été obligé de couper sous l'influence de Mankiewicz cette séquence. Bon, je pense que l'anecdote est vraie. Il faut toujours se méfier des témoignages de tout le monde, y compris des metteurs en scène ou des producteurs. Je pense qu'elle est vraie. Donc, ce qui montre que Lang a fait un apprentissage. Et dès son deuxième film, J'ai le droit de vivre, il a totalement assimilé. Alors, il est possible que, d'une certaine façon, il a été parfois un peu castré, certainement par certains producteurs. Il y a certains films qu'il n'a pas pu faire, des scénarios qui ont été amendés. Mais je pense pas que Hollywood ait une influence plus nocive que, par exemple, Théa von Arbou. Et dans la mesure où Lang n'était pas à l'origine de tous ces projets, je pense que Hollywood lui a permis, au contraire, d'approfondir et justement, ce que je disais, de rééquilibrer. C'est-à-dire qu'on voit le point de vue de l'individu sans oublier pour autant le point de vue de l'engrenage social. Ce qui montre que un véritable créateur est quelqu'un qui sait se mettre à l'écoute des rumeurs profondes d'une culture. Et la façon qu'a Lang de réagir à la réalité américaine en insistant dans la direction d'un individualisme qui avait d'ailleurs toujours été une des constantes de sa pensée, nous ramène peut-être à Metropolis. Et l'on verrait alors Lang créant Metropolis, non pas tant pour transmettre je ne sais quel message, que pour rendre compte de ce qui se tramait dans les profondeurs de la société allemande. Le créateur devient celui qui annonce quelque chose. Mais il annonce avec un esprit particulier, Lang, un esprit qu'on pourrait qualifier de pessimiste. S'il est vrai que, comme vous le signalez, Gérard Legrand, un rapprochement peut être fait entre Lang et Freud, le Freud de malaise dans la civilisation. Quand j'ai fait le rapprochement, qui vaut ce qui vaut, qui est très général naturellement, qui demanderait certainement à être nuancé, avec le Freud de malaise dans la civilisation, c'est parce que j'étais frappé du fait que, de même que Freud explique que la culture est en soi-même une sorte de contradiction dans les termes, puisqu'elle ne peut vivre qu'en continuant à fabriquer ce qu'elle est en principe chargée, entre guillemets, de refouler. Le refoulement nourrit la pression et la pression nourrit le refoulement. Or, c'est à peu près de la même manière que fonctionne le cinéma de Lang, surtout justement dans cette espèce de période charnière où il passe des feuilletons allemands à la préparation de ce qui sera le cinéma américain et que, par parenthèse, le cycle des Mabouzes annonce assez bien. Nous avons en effet, pour reprendre le cas de Metropolis, quelque chose d'assez curieux, c'est que les inventions diaboliques du magicien, et ça c'est une chose qui continuera chez Lang, même dans des films apparemment aussi objectifs, moins chargés d'intentions personnelles et surtout moins chargés de magie que le sont les thrillers. Il est très fréquent chez Lang, à partir de Metropolis notamment, que ce que fait un individu aboutit exactement au résultat opposé à celui qu'il voulait. Ça peut se passer sur la longueur d'une action, comme dans Metropolis, où finalement, d'une certaine manière, tout le monde échoue. Ça peut se passer dans la mise en scène simplement par un effet de cadrage. Il y en a dans Rancho Notorious un exemple célèbre, celui d'un homme qui, en tombant, fait partir exactement l'arme qu'il ne fallait pas faire partir sur la personne qu'il ne fallait pas tuer à ce moment-là. Eh bien, naturellement, ce n'est qu'une comparaison, mais je crois que ça provient d'une vue assez pessimiste que Lang a corrigé ensuite, bon, non pas par un optimisme de la volonté au sens gramscien, mais en tout cas par l'affirmation un peu plus sereine et un peu plus positive de l'individualité. Mais il n'en reste pas moins qu'au départ, il nous dépeint un monde où cet engrenage de la responsabilité et de l'irresponsabilité fonctionne constamment, et fonctionne constamment, justement, d'une manière qu'on peut qualifier de freudienne. Ce qu'on peut appeler pessimisme, aussi bien pour Freud que pour Lang, c'est un autre nom pour dire peut-être la lucidité de celui qui cherche à pénétrer dans les forces profondes de la réalité. Thank you. Francis Courtade écrit dans son Fritzlang à propos du cinéaste « Quant à l'homme, il paraît surtout avoir été sensible aux influences de l'extérieur. Le courant pré-nazi avant 1930, l'antinazisme après 1933 et de tout temps la mode. » Fritzlang a tourné des manières de serial, des westerns, des films de guerre, des films psychanalytiques et des films policiers. Il a accepté toutes les commandes, beaucoup de compromissions. Il a signé des apologies de l'armée, du devoir conjugal, de la police, de la délation. Il s'est plié entièrement au code de production hollywoodien. Il est tout le contraire du cinéaste révolté, courageux, indépendant. Son refus de travailler pour les nazis ne doit pas être l'arbre qui dissimule la forêt. Lang n'est pas spécialement sympathique. Son plus grand mérite est encore sa lucidité. Je nie donc que Fritz Lang soit un génie, un grand homme, et même un très grand réalisateur. Il l'a été, parfois, jadis. Disons qu'il a failli l'être pour de bon. Il l'aurait pu si toute sa vie, à une exception près, n'avait été une somme de faiblesse. Moi, ce qui me frappe, c'est que je crois que les deux premiers metteurs en scène adultes de l'histoire du cinéma, le premier en Europe, Fritz Lang, et le second en Amérique, Erich von Stroheim, sont tous les deux viennois. Disons que Griffith est l'homme qui a inventé le cinéma en tant qu'art, c'est l'homme qui a le premier donné au cinéma ses grands chefs-d'œuvre en 1914 et en 1915, c'est le créateur du cinéma en tant qu'art, mais c'est un homme du 19e siècle. Mais que Lang et Stroheim ont été les premiers à créer un art adulte. C'est-à-dire, par exemple, naturellement, ce qui est le plus adulte, c'est le rapport à la sexualité. Et je crois que Lang et Stroheim ont traité pour la première fois du rapport et à la sexualité et au pouvoir d'une façon moderne, du XXe siècle. Ce sont les premiers cinéastes du XXe siècle, si j'ose dire, parce que le cinéma est un art tout de même, qui est né en 1896, il est tout juste un art du XXe siècle. Mais je crois que ce sont les premiers. Et comme par hasard, ce sont deux Viennois. Vienne, ville-mère de la modernité, que Lang aurait peut-être projeté, justement, aurait essayé de faire passer dans cette réalité appelée métropolis, qui veut dire aussi ville-mère, étymologiquement parlant. Cette maternité de métropolis et cette paternité de Lang en tant que créateur d'un cinéma moderne, est-ce que cela ne nous fait pas glisser vers le goût très particulier ou l'attirance très profonde qu'avait Lang relativement à la psychanalyse, au point qu'il lui semblait que si l'on voulait véritablement projeter un rayon de lumière sur ces forces profondes qu'il cherche à représenter, c'est par le biais de la psychanalyse qu'il faudrait l'opérer. C'est un cinéma de la connaissance. En cela, il est assez proche de Freud. Et en ce qui concerne le regard moderne sur la sexualité, il est bien évident que c'est de son côté qu'il faut aller le chercher. Je ne parle pas de ses préoccupations personnelles et notamment de cette, il faut bien dire, de ce regard assez tendu sur la féminité qu'il l'a fait autrefois taxer de misogynie parce que la plupart de ses héroïnes sont des êtres néfastes. Mais au contraire du fait que ces héroïnes néfastes sont doublées, comme c'est le cas dans Métropolis, d'un autre visage féminin. Il y a sur l'élément féminin de la sexualité un regard double chez Lang, qui est très intéressant parce que justement le problème de la relation à la mère pour la psychanalyse se présente très exactement dans ces termes-là. Il y a toujours l'aspect de la mère terrible et l'aspect de la femme plus ou moins maternelle, mais avec laquelle une conciliation est possible pour l'homme. La femme est toujours plus ou moins le continent noir dont parlait Freud pour Lang. Et d'ailleurs, une des séquences les plus significatives et les plus déterminantes de Métropolis, c'est lorsque le fils va dans le bureau du père et aperçoit le père et la fausse Maria, le robot, se touchant, s'embrassant à peine. Et là, il tombe dans un trou noir. On a véritablement, je crois, la figuration de ce qu'on appelle en psychanalyse la scène primitive ou la scène originaire, où le fils est conscient ou perçoit un rapport sexuel entre le couple parental, et cela le fait littéralement tomber dans les profondeurs et dans le noir. Et on le voit d'ailleurs tomber cinématographiquement parlant. Il y a une véritable chute. C'est là que l'on voit qu'il y a chez Lang une sensibilité psychanalytique particulièrement avertie. Alors, ce que Vienne apporte peut-être à Lang, c'est l'idée que les communautés sont précaires. L'empire des Habsbourg va s'effondrer, est en train de se démanteler. Et alors, quelle est l'issue pour un personnage comme Freud, aussi bien que pour un personnage comme Lang, sinon finalement la seule réalité dont il puisse avoir une conscience intense et assurée, c'est-à-dire lui-même? On aurait peut-être là l'origine d'un individualisme très important chez Freud et non moins important chez Lang. Individualisme que l'Amérique lui a permis d'épanouir, justement. Et cet individualisme était refoulé dans la période allemande, qui donnait l'importance soit aux machines, soit aux démiurges, soit à Mabuse, soit à la cité de métropolis, mais pas à l'individu, justement. Et c'est par le biais, et c'est là où justement les rencontres se font de façon extraordinaire, c'est par le biais de ce cinéma américain qui au départ pouvait paraître le plus lointain de Lang, c'est l'Amérique qui lui a permis de se révéler à lui-même totalement, de s'accomplir totalement, par justement le fait de retrouver à travers la fiction anglo-saxonne où l'individu est privilégié, son souci majeur qui était l'individu mais qui n'avait pas pu explorer, à mon avis, aussi profondément dans ses films allemands. Nous avons évoqué un métropolis tel qu'on peut le voir de manière courante dans les cinémas. Mais il y avait, semble-t-il, une version originaire de métropolis à l'intérieur de laquelle il y a eu des coupes qu'on pourrait qualifier de chirurgicales. Est-ce que c'est le véritable métropolis que nous avons? À cet égard, d'abord, Positif apporte un certain nombre d'informations sur la reconstitution d'un métropolis originaire par Renaud Patalas. C'est ça, c'est-à-dire que d'abord le métropolis que nous avons maintenant, c'est hélas celui de M. Moroder, qui est accompagné de musique, chansons modernes, de couleurs teintées, de séquences amputées, etc. Ce qui pose mais aussi des séquences rajoutées. Oui, mais ce qui pose même le problème, il faut le reconnaître, de la liberté artistique, enfin de la création, parce que si le seul tableau de Botticelli que l'on pouvait regarder maintenant, c'était un tableau repeint par Salvador Dali ou Marcel Duchamp, et s'il n'existait plus l'original, on pourrait s'inquiéter. Or, et effectivement, Moroder a racheté les droits, et le seul film que l'on puisse voir de Fritz Lang maintenant, de ce métropolis, c'est la version Moroder. Bon, je trouve que c'est un peu discutable. Je pense que personne n'a protesté, enfin si, on a un peu protesté, mais pas assez. Mais par contre, Enno Patalas, qui est conservateur à la Cinémathèque de Munich, a reconstitué effectivement autant que faire se peut une version la plus complète possible de Metropolis, en particulier à partir d'une copie qu'on a retrouvée en Australie et en confrontant des versions. Le film a été amputé de près d'une heure. Il faisait 2h30 dans sa version originale. Il ne fait plus que 1h28 dans la version de Moroder. Donc le travail de Patalas est considérable. Effectivement, on comprend beaucoup mieux certaines choses, comme par exemple le fait que Rotwang, le magicien, invente cette double Maria maléfique pour se venger du patron qui lui avait ravi une femme. Cette femme avait eu de ce patron un enfant, un fils, c'est Feder. Et donc, pour se venger de ce fils, et donc à travers lui du père, le magicien Rotwang invente cette Maria qui va séduire le fils du patron. Et cette femme, il y a une sorte de double intrigue là, il y a un thème de la revanche très langien qui n'existait pas dans la version que nous connaissons, qui est purement et simplement une opération politique qui est de faire se révolter les ouvriers pour mieux les écraser. Et cette femme que se disputaient Rotwang et le patron s'appelle Hel, H-E-L, dans le film. Mais avec une écoute anglo-saxonne, c'est Hell, l'enfer. Et c'est pour ça d'ailleurs que le film a été amputé, car là, effectivement les Américains qui ont distribué le film ont coupé cet épisode, entre autres, parce qu'ils disaient que le public américain rirait à l'évocation de Hell. On voit aussi au début du film un morceau de séquence qui a été récupéré, avant même les évolutions des enfants de riches et des pépés, si on peut dire, dans le jardin paradisiaque. Il y a une séquence dans un stade aux formes justement monumentales et déjà gigantesques. Ce qui a fait dire à certains que, par cette séquence, Lang annonçait peut-être les fameux Jeux Olympiques de 1936. Oui, je voudrais faire remarquer à cette occasion que les opérations, enfin l'opération en tout cas de Moroder, est d'autant plus injustifiable qu'elle tend à présenter Métropolis comme une œuvre d'anticipation, j'allais dire hors du temps, ce qui est déjà une contradiction dans les termes. Parce que c'était une œuvre d'anticipation, et nous discutons sur son sens, au moment où elle a été faite. Mais aujourd'hui, on ne peut plus présenter comme une œuvre d'anticipation une œuvre qui montre des machines et des gens vivant dans des souterrains, même si les totalitarismes ne s'étaient pas effectués réellement sur une certaine surface du globe, même s'ils n'avaient été qu'à l'état de tentative avortée, et on peut dire que le nazisme, malgré toutes les horreurs qu'il a engendrées, a avorté. Il s'agit d'un passé. Il n'y a plus aujourd'hui, nulle part au monde, je crois, la possibilité de considérer le Métropolis, même ancien, même, j'allais dire, originaire, comme la prophétie de ce qui va nous arriver en l'an 2000. Le même problème s'est posé d'ailleurs cette année, tout simplement, avec le film qu'on a tiré du livre de George Orwell, où il n'était plus question du tout de présenter en 1984 la fiction d'Orwell comme une prophétie. Eh bien, en jouant sur des effets purement spectaculaires, sur la reconstitution de certains plans, sur même l'ajout de certains plans, sur l'utilisation de maquettes insérées directement dans le film, alors qu'il ne s'agissait que de projets de décor, Moroder tente à faire croire désespérément qu'il s'agit d'une fable qui est encore pour l'avenir, et la musique qu'il ajoute va dans ce sens, n'est-ce pas ? Il s'agit de l'actuelle civilisation de l'image, au sens très large des deux mots. Eh bien, il y a là quelque chose de dérisoire. On ne peut se livrer à ce travail de vouloir à tout prix reprojeter en avant une chose qui appartient au passé, encore une fois, non pas seulement parce qu'elle a sa date, parce que c'est une création artistique qui était faite autrefois, mais parce que, en un sens, rien ne se démode aussi vite que l'anticipation, et qu'il lutte contre ce démodage en essayant de le remoderniser. Il y a là quelque chose de faux dans la conception même, je crois, et du cinéma et du film en particulier. Alors ce qu'il faut admirer, c'est la capacité de Métropolis à résister à un traitement de ce genre. Ce qui prouve qu'il y a de la part du travail de Lang une modernité et une actualité, me semble-t-il, indiscutable. Est-ce que vous la repérez, Michel Simon, dans les œuvres cinématographiques qui sont proposées actuellement dans les différents cinémas du monde ? Oui, je voudrais simplement dire que l'œuvre de Lang n'a pas été, disons, située, même par les historiens, je crois, au niveau de celle de Griffith ou d'Eisenstein, par exemple, ou de Chaplin. Or, elle me semble beaucoup plus importante que ces trois œuvres, par exemple. Eisenstein, Griffith et Chaplin, importante au point de vue de l'influence, justement. Je ne parle pas du niveau de réussite. Il me semble que Lang est justement à l'origine de la modernité cinématographique. Déjà lui-même a influencé, dès son travail, s'il a moins influencé les critiques, ou s'il n'a pas impressionné les critiques autant que d'autres, il a impressionné ses collègues, ses confrères. Lang est un matérialiste d'une certaine façon, il faut le reconnaître. Et Eisenstein a été l'homme qui a remonté les Mabuse pour l'Union soviétique. Il a étudié les Mabuse à la Moviola, à la table de montage, et ça a été la formation de son style. Il avait réintitulé cela La pourriture dorée. C'était le titre russe du film de Lang. Bon, on sait que Buñuel a découvert le cinéma avec les Trois Lumières, et que Buñuel a toujours dit que Lang, c'était son maître, c'est l'homme qui lui a donné envie de faire du cinéma. Et Buñuel est un autre matérialiste, il y a une façon de regarder et la sexualité et le monde, c'est l'entomologiste Buñuel. Et je crois que ça va jusqu'à aujourd'hui, dans la mesure où justement le pouvoir est devenu un des grands problèmes du XXe siècle, dans la mesure où la sexualité a été également éclairée par la psychanalyse, etc. Ces deux problèmes qui sont au cœur de l'œuvre de Lang, à mon avis, font que Lang est une référence. Je pense que, par exemple, des gens comme Mankiewicz, des gens comme Kubrick, des gens comme Francesco Rosi, leur recherche, à mon avis, rejoint par certains côtés celle de Lang. Recherche sur le pouvoir, sur la manipulation, je pense que des films comme, par exemple, L'affaire Mattei ou Cadavres exquis, de façon différente, auraient fasciné Lang. Je pense que un film comme Docteur Folamour ou Orange Mécanique, d'une autre façon, sont des films qui auraient fasciné Lang. Je pense que les films de Mankiewicz, en général, ressortissent aussi d'une sorte de dialectique langienne, bien que, naturellement, chacun de ces artistes soit très autonome. Donc, je pense que il y a tout un courant, certainement, tout le courant, disons, philosophique ou de préoccupation philosophique sur la réalité des maîtres du cinéma qui sûrement est tributaire de Lang. Ce n'est pas le cas, évidemment, des œuvrettes ou des films beaucoup plus psychologiques, etc., qui ne sont pas toujours des œuvrettes, qui peuvent être de grands films. Mais disons que dès qu'il y a volonté de synthèse et volonté dialectique, à mon avis, on repasse par Lang. Alors aujourd'hui, où la notion de maître à penser fait très souvent sourire et de manière sarcastique, on pourrait penser qu'un homme comme Fritz Lang est un maître à voir. Et vous le conseillerez, vous le proposerez, Gérard Legrand, comme maître à voir ? Sans aucun doute. Je dois dire que si J'avais l'idée étrange de recommencer une carrière différente et de vouloir devenir cinéaste. C'est d'abord chez Lang que j'irai prendre des leçons. D'ailleurs, je dois dire que quelqu'un comme Bertrand Tavernier l'a écrit avec beaucoup de modestie en disant qu'il n'avait jamais cessé de revoir ses films et de chercher, pas à s'en inspirer, mais à s'en souvenir. J'ai cité des grands noms comme Kubrick ou Rosie, mais c'est par exemple tout le cinéma américain, je crois que tous les metteurs en scène américains dans les années 30, avant d'accueillir Lang parmi eux, ont été marqués par des films comme M, par exemple. Et je crois que quand on parle aujourd'hui avec des metteurs en scène, qu'ils aient 40, 50, 60 ans, quand ils parlent des Mabuse ou du M ou de J'ai le droit de vivre, je crois qu'il n'y a pas une personne qui ne soit admirative. Je pense que c'est un cinéaste d'une certaine façon indiscuté, alors que certains discuteront Eisenstein, ou certains discuteront Griffith, ou certains discuteront René Clair, ou d'autres. Je crois que dans le cas de Lang, c'est d'une certaine façon indiscutable. Oui, prenons garde simplement de ne pas enfermer Lang dans le domaine cinématographique. Justement, vous parliez de mettre à penser. Il me vient à ce sujet une réflexion qui est que c'est peut-être de tous les cinéastes, en tout cas c'est le premier dont le nom me vient à l'esprit, qui puisse être considéré non seulement comme un maître à voir, mais je déteste l'expression maître à penser, mais disons comme un maître à réfléchir. C'est-à-dire que c'est pour moi, en tout cas, l'équivalent d'un certain nombre de grands artistes plastiques du passé chez qui nous avons tendance, ou nous avons le droit, de chercher des motifs de réflexion, au-delà de l'image. Lang reste constamment visuel, ne fait pas de théorie, il n'y a jamais un personnage chargé d'exprimer chez lui la vérité, ni même la pensée philosophique, ni même une intention philosophique, mais le spectacle de ses films, par moments, comme le spectacle de certains très grands tableaux du passé, invite à une méditation qui dépasse l'image et qui est l'équivalent du feuilletage de certains livres auxquels on revient toujours. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 décembre 1984. Thank you. that you